Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RGM, 107 MHz, la radio de Saint-Étienne et Remiremont. Ce soir, l'émission, c'est Mosaïque. Alors, au programme, eh bien, Stéphane Hessel va nous parler. Et il parle pas très longtemps, mais il dit beaucoup de choses. Ensuite, biodiversité, 30 ans après Tchernobyl. Là, on a des choses à apprendre, des choses que les vrais journalistes ont oublié de nous dire, hein. Et les politiques aussi, oui. Oh ben, si on savait tout, tout le temps, hein, ça serait peut-être difficile de gouverner. Conférence de presse de la France insoumise. Ensuite, alimentation naturelle, une émission de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, qui date de 1971. Et puis, oui, ben oui, il y a des choses qu'on savait depuis longtemps déjà, et on nous en reparle maintenant, mais bon. Jean-Luc Mélenchon, le droit au silence, le droit au silence. Et puis, bon, ben voilà, un petit peu de Jean-Yann, la circulation, hein. Et puis peut-être une petite revue de presse, hein, voilà. Bonsoir. On n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continue de vivre un petit peu en baissant la tête, et quels sentiments vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France était vichiste, dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. À vol d'oiseau, la zone d'exclusion de Tchernobyl rappelle une tâche allongée au centre de laquelle se trouve la station nucléaire. Le territoire pollué par les substances radioactives s'étend d'ouest en est. À côté de la station nucléaire de Tchernobyl, se trouve un hémisphère métallique brillant. C'est le nouveau sarcophage financé par la communauté européenne qui est connu sous le nom officiel de l'Arche. C'est ici que les liquidateurs, nom donné à ces pompiers de l'impossible, ont tenté d'ensevelir le réacteur numéro 4 de la station nucléaire de Tchernobyl qui a explosé le 26 avril 1986. Selon l'estimation des experts, environ 4% du combustible radioactif s'est échappé du réacteur numéro 4. Cela a suffi pour que personne ne puisse vivre sur un territoire de 5000 km². Cette catastrophe a obligé toute une population à quitter les villes et les villages qu'ils avaient construits. Les entreprises ont été fermées. Certaines maisons et même des agglomérations entières ont été détruites et enterrées. Tout ce qui se trouvait dans un périmètre de 30 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl est devenu une zone hautement radioactive. Les portes de l'église Svatolinskaya à Tchernobyl sont toujours ouvertes à leurs paroissiens. Une messe y a lieu. La messe en mémoire de ceux qui ont péri et de ceux qui sont toujours vivants. Il y a des chandelles, des lampes éternelles. Nous sommes dans les salles du Musée national de Tchernobyl de Kiev. Ces salles renferment la mémoire des événements tragiques de cette catastrophe. On peut y voir des documentaires, des photos, des cartes topographiques qui témoignent de l'ampleur de cette catastrophe technologique et écologique sans précédent. Voici une carte de la station nucléaire de Tchernobyl avec les données des explorations nucléaires. Ici, nous voyons les chiffres enregistrés par l'appareil qui mesure les doses de la radiation. DP-12, cet appareil pouvait enregistrer au maximum 10 000 rayons X. Selon les données de la carte, nous voyons 1 400 rayons X par heure. Imaginez-vous que les gens étaient là, présents au moment de la catastrophe. C'est quand même terrible. L'explosion du réacteur 4 de la station de Tchernobyl s'est produite le 26 avril 1986. Le réacteur détruit jetait de la poussière radioactive dans l'atmosphère. Tout était couvert par le combustible radioactif. Pour lutter contre cet incendie radioactif, plus de 600 000 personnes ont été engagées dans l'urgence sans aucune préparation. On les a appelées les liquidateurs. La stratégie était simple. Il fallait évacuer la population de la zone dangereuse, sanctuariser le territoire et boucher le réacteur. Vêtus de lourdes tenues de protection, les soldats réservistes montaient sur le toit du réacteur. Ils devaient ramasser les débris radioactifs à la main. Ici, dans la zone à haute activité radioactive, ils n'avaient que 40 secondes pour jeter 2-3 pelles et revenir. Les pilotes d'hélicoptères, eux, jetaient du sable, du plomb et de l'acide borique sur le réacteur. Cela a permis de diminuer l'éjection des substances radioactives et mortelles dans l'atmosphère. Le niveau de radiation était des milliers de fois au-dessus de la norme. Les pilotes non plus n'ont pas été épargnés. Ils ont reçu des doses mortelles de radiation. Les pompiers et les mineurs pompaient l'eau et creusaient des tunnels sous le réacteur pour pouvoir y installer une cellule réfrigérante conçue à base d'azote liquide. Le sarcophage, qui a obtenu le nom officiel de l'Arche, a été construit plus tard. Sous lui, les liquidateurs ont caché le réacteur qui a provoqué cette horrible tragédie. Les zones les plus polluées de ce territoire ont été interdites à toute présence humaine. Et les substances radioactives ont été enterrées dans des caissons en ciment, comme dans un sarcophage. Trente ans après la catastrophe de Tchernobyl, notre équipe de tournage s'est rendue dans la zone d'exclusion, un des endroits les plus mystérieux et les moins explorés de notre planète. Avec cette incursion, nous allons pouvoir étudier la nature sauvage de la zone interdite de Tchernobyl sur les terrains les plus pollués et les plus dangereux pour la vie. Nous allons rencontrer des scientifiques et nous allons apprendre comment les isotopes radioactifs d'iode, de césium et de plutonium influencent les êtres vivants. Comment la nature sauvage envahit-elle les terrains abandonnés par les humains depuis ces 30 ans? Nous allons voir comment des silures gigantesques ont réussi à s'habituer à vivre dans les eaux radioactives de l'étang réfrigérant. Nous allons visiter la ville fantôme de Pripyat et des installations militaires uniques, les débris de la guerre froide. Nous allons nous plonger dans une toute autre époque, une époque du réalisme socialiste. Dans les villes et les villages abandonnés de la zone de Tchernobyl, nous avons rencontré des gens qui sont revenus sur les territoires pollués après l'évacuation et qui y vivent leur vie. La partie principale de la zone d'exclusion se trouve entre les deux fleuves, Pripyat et Ouche. Caché derrière des fils barbelés, ce monde garde un danger radioactif mortel, ainsi que la beauté de la Polésie. 30 ans après, il est difficile de remarquer les traces de la grande tragédie qui a eu lieu ici sur les paysages pittoresques de la zone de Tchernobyl. La nature émeut par l'abondance de la flore et de la faune. Aujourd'hui, c'est une vraie réserve naturelle et un polygone unique pour l'étude de l'influence de la radiation sur les organismes vivants et l'évaluation des conséquences des grandes catastrophes écologiques. La zone de Tchernobyl est un écosystème unique. Étant resté plus de 30 ans sans aucune intervention de l'être humain, elle est revenue à son état naturel. Ce territoire est précieux pour les scientifiques grâce à ses espèces animales et végétales. Ces derniers l'appellent un laboratoire en plein air. Sergueï Paskevitch est chercheur en chef de l'Institut des problèmes de la sécurité des stations nucléaires de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine. Il travaille à Tchernobyl depuis 20 ans. Avec les autres chercheurs, il étudie l'état de la flore et de la faune de Tchernobyl. Pendant tout ce temps, un écosystème unique avec des espèces particulières a pu se former. Plus de 50 espèces animales ou végétales y ont été découvertes. Elles ont été enregistrées dans le Livre rouge. En 30 ans, la conjoncture radioactive s'est améliorée dans la zone d'exclusion. Le niveau de l'irradiation a baissé en centaines et milliers de fois. Cela se passe en partie grâce à la désagrégation naturelle des radionucléides. Sous l'influence des pluies et de l'activité des plantes et des animaux, les radionucléides se sont enfoncés dans le sol de 5 à 20 cm. Cette couche de 20 cm environ couvre l'irradiation. La couche est un élément important de l'écosystème. C'est elle qui accumule les radionucléides. Notre exploration de la zone d'exclusion de Tchernobyl commence par le fleuve Ouche. Sa longueur est de 256 km. Il coule d'ouest en est, à côté de la ville de Tchernobyl, et se jette dans le fleuve Pripyat. Avec les premiers rayons du soleil, un habitant de la zone de Tchernobyl, le grand-père Ivan, se rend à la pêche. Dans une barque en bois, avec un spinning à la main, il fête aujourd'hui son anniversaire, 80 ans. La pêche dans la zone d'exclusion est interdite par la loi ukrainienne. C'est pourquoi elle n'a pas de caractère de masse. En revanche, l'administration de la zone est loyale envers ceux qui se sont logés ici. Malgré l'écologie spécifique, les résidents pratiquent la pêche régulièrement. Pour manger, les habitants des villages abandonnés ne pêchent pas plus de 10 kilos. Le grand-père Ivan dirige sa barque dans le golfe du fleuve Ouch. Dans cette période de l'année, dans les golfes des fleuves Ouch et Pripyat, les proies principales sont le brochet, la perche et le sandre. Mais pour le grand-père Ivan, la perche représente la plus grande valeur culinaire. À côté de la ville de Tchernobyl, où le fleuve Ouch se jette dans le fleuve Pripyat, se trouvent les plans d'eau préférés du grand-père Ivan. L'habitant n'a pas peur du fait que le niveau des radionucléides dans le poisson de ces deux fleuves dépasse des dizaines de fois toutes les normes permises. Des scientifiques ont établi tout un tas de régularités dans l'accumulation de radionucléides dans le poisson. Les poissons prédateurs contiennent plus de césium-137 que toute autre espèce de poisson. Le grand-père Ivan est revenu dans la zone de Tchernobyl un an après la catastrophe. Pendant cette catastrophe, son village a reçu le plus haut niveau de radiation du réacteur. Plus tard, le village de Kopachi a été détruit et enterré. Tous les habitants ont été évacués dans les différentes régions d'Ukraine. Le territoire pollué du village Kopachi est dangereux et ne convient pas à la vie même aujourd'hui. Au lieu des maisons, il n'y a que les tombeaux. Des petites collines comme signe d'avertissement de l'activité radioactive. Le village Kopachi est un des villages rares de la zone de Tchernobyl. Il a été désactivé parmi les premiers. À droite, vous pouvez voir des sépulcres avec des anciennes constructions de ce village. Le taux de radiation à côté de l'enceinte est de 200 micro-rayons X à l'heure. Pendant sa formation, son développement et son évolution durant des milliers d'années, les organismes ont élaboré des stratégies complexes et se sont accommodés à l'influence de la radiation. Au printemps, à côté de la vieille enceinte en bois, des abeilles ont fait leur nid. Elles n'ont pas choisi cet endroit par hasard. L'enceinte en bois est un parfait matériel de construction de la colonie de quelques étages. Au milieu de l'été, les larves se sont transformées en abeilles ouvrières. Maintenant, ce sont elles qui finissent la construction de la colonie. Vers l'automne, le nombre d'abeilles augmentera considérablement, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus. Comme nous le voyons, la couverture végétale est typique de cette zone. Nous voyons des organismes vivants, des insectes, les mêmes qui vivent en dehors de la zone de Tchernobyl. Aucune anomalie. La nature suit son cours, même si nous sommes dans l'épicentre de la catastrophe nucléaire, seulement à 3 km de la station nucléaire de Tchernobyl. Après la catastrophe de la station nucléaire de Tchernobyl, les isotopes radioactifs de césium-137 et de strontium-90 ont quitté le réacteur détruit par l'explosion et se sont envolés dans l'atmosphère. Tombés avec les pluies et la poussière, ils ont pollué la terre, les fleuves et les lacs, en rendant la vie dans un rayon de 30 km mortellement dangereuse. Les gens sont partis. Ils ont quitté leur maison. Les champs laissés à l'état sauvage. Les outils agricoles abandonnés. Le transport, les bâtiments, les locaux. Après le départ de l'homme, l'univers de la zone d'exclusion de Tchernobyl s'est transformé et est devenu différent. Les champs et les alpages fertiles, abandonnés par les gens, ont été peuplés par les chacals du monde de la flore. Les plantes que l'homme cultivait en leur créant toutes les conditions n'ont pas survécu à la sélection naturelle. Presque toutes ont été supplantées par la végétation sauvage. Pendant quelques années, la végétation de culture a été étouffée par des espèces sauvages. Avant la catastrophe, c'était un champ où les gens cultivaient probablement la pomme de terre ou le blé. Quand le nuage radioactif a couvert ce territoire, les gens ont été obligés de partir. Tout de suite après, les champs ont été envahis par la végétation sauvage qui a très vite supplanté ce qu'il y avait avant. Nous y voyons maintenant un écosystème qui va exister jusqu'à ce qu'un autre type de végétation vienne prendre la place. Les champs abandonnés se sont couverts de mauvaises herbes et se sont transformés en prairies. Avec le temps, des jeunes arbres ont délogé la couverture végétale en formant les broussailles épaisses et ombreuses. Des jardins d'arbres fruitiers plantés avant la catastrophe ont commencé à dessécher. Et les forêts des pins et de bouleaux ont pris leur place. Un Les pins occupent de plus en plus les territoires. Dans quelques temps, ils vont grandir et former la forêt typique de la zone de Tchernobyl. La nature sauvage de la zone de Tchernobyl a envahi les territoires abandonnés par les gens et a créé les conditions particulières pour la vie des animaux. Les agglomérations quittées sont devenues les habitations pour les animaux sauvages. À côté d'une des fermes abandonnées, on voit les sentiers des animaux sauvages. Les traces mènent vers un ancien bâtiment où se trouvaient les engrais minéraux. Cependant, on arrive rarement à voir un animal venant dans un hangar abandonné. Sergueï Paskievitch utilise les caméras cachées pour surveiller le monde sauvage de la zone de Tchernobyl. Certaines constructions de la zone de Tchernobyl attirent les animaux sauvages. Pour étudier les raisons de ce comportement, nous utilisons des photopièges et nous les installons à proximité des constructions les plus souvent fréquentées. Nous sommes à côté du hangar abandonné qui est souvent fréquenté par les animaux artiodactyles. Nous le voyons à l'aide des traces sur la terre. Même maintenant, nous pouvons voir qu'après la pluie, il reste des traces sur la terre humide. À l'aide des photopièges, nous avons pu voir que les élans, les cerfs, les lièvres viennent dans ce hangar. Ils lègent des murs qui contiennent les substances minérales et se nourrissent avec ces éléments, notamment les substances minérales qui se trouvent dans l'argile qui couvre les murs. À l'aide des caméras installées à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, les scientifiques ont pu filmer la vie des animaux sauvages. Au lever du soleil, les représentants uniques de la zone de Tchernobyl se promènent sur le territoire d'une ferme abandonnée. Vers midi, à côté du vieil hangar, un vrai petit zoo d'animaux sauvages se réunit. Nous faisons ces tests depuis un an et demi. Chaque jour, il y a des animaux. Cela prouve que la zone de Tchernobyl est une réserve naturelle, avec des territoires précieux. Même s'il y a des constructions faites par les êtres humains, le territoire lui-même vit une vie particulière, que nous observons à l'aide des photopièges. Depuis 30 ans d'existence de la zone de Tchernobyl, la nature a dévoré tout espace créé par l'homme. Dans des bâtiments et des locaux abandonnés, les animaux trouvent le fourrage et l'abri et les utilisent comme un élément naturel de leur lieu d'habitation. Ce mur est un très bon exemple pour montrer l'importance des constructions abandonnées pour les animaux sauvages de Tchernobyl. Comme vous pouvez le voir, de ce côté, il y a des endroits léchés dans ce mur. Nous pouvons même voir jusqu'à quelle hauteur les animaux peuvent le faire. Et ici, le plâtre en argile a été enlevé et mangé jusqu'à la base en bois. C'est ici que nous avons vu les animaux qui venaient se nourrir. Les terres de la Polésie ukrainienne sont pauvres en potassium et en calcium, les éléments nécessaires pour la croissance et le développement des plantes. Les plantes compensent ce manque par les isotopes de césium et de strontium. Ici, il n'y a que des broussailles formées par l'herbe qu'on appelle le vermillon grisâtre. Cette herbe est bien adaptée aux conditions pauvres et très sèches. Si vous regardez de près, il est clair que chaque arbuste détient son petit territoire. Cette herbe ne crée pas de gazon solide. Chaque buisson recueille toute l'eau d'une petite parcelle qui lui appartient. Et comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Les radionucléides de césium et de strontium des terres polluées pénètrent dans les plantes et s'y accumulent activement. Par les chaînes alimentaires, ces radionucléides atteignent les organismes des animaux. La pollution et la contamination d'une chaîne alimentaire par les radionucléides mènent à une accumulation dans d'autres éléments de la chaîne trophique. La particularité de ces terres sablonneuses, c'est leur pauvreté en minéraux. Même 30 ans après le départ de l'homme, leur restitution se passe très lentement. À leur tour, les animaux qui habitent ici sont en manque d'éléments et de minéraux alimentaires. Dans cette situation, les constructions abandonnées sont leur seul moyen d'avoir ces éléments. Après la mort d'un animal ou d'une plante, les radionucléides reviennent de nouveau dans la terre via la mousse, les champignons et les bactéries. Certains organismes servent de fourrage pour les autres, perpétuant la chaîne de vie éternelle. C'est ainsi que se passe le cycle des radionucléides sur les territoires de la zone d'exclusion depuis ces 30 ans. L'arbre en décomposition est un bon substrat pour la vie de nombreux organismes vivants. Il rend les micro-éléments qu'il accumulait durant son cycle de vie. Maintenant, ce cycle est terminé et les minéraux retournent à nouveau dans cet écosystème. Tous les organismes vivants de la zone sont liés entre eux. Les insectes sont eux aussi les éléments de l'écosystème, tout comme les plantes et les animaux. Les bourdons, les papillons, les abeilles cueillent le pollen et le nectar sur les territoires pollués. Les substances radioactives que les plantes contiennent s'accumulent aussi dans les organismes de ces insectes. Les abeilles apportent le pollen radioactif dans leurs ruches, ramassées dans la zone de Tchernobyl. Avec le temps, les radionucléides et les métaux lourds s'accumulent dans la ruche. Mikhaïl Chilan, résident de 82 ans. Il habite dans une des maisons de la ville de Tchernobyl. Depuis des années, il entretient un rucher qui se compose de 3 ruches. Les voilà, mes abeilles. Ces abeilles habitent dans des billots en bois, ruches artificielles qu'il avait construites il y a des années. Un petit rucher à côté de la maison donne un produit de valeur à ce grand-père. Le miel avec de la propolis et du pollen. Depuis les temps anciens, les habitants de Polésie s'occupaient de l'apiculture. Les forêts abondent en plantes mellifères si attirantes pour les abeilles sauvages. Les apiculteurs de Tchernobyl ont apprivoisé les abeilles sauvages qui s'établissaient dans le creux des arbres et leur créaient les habitations artificielles, les ruches faites de billots. Trente ans après, on peut trouver les billots à moitié pourris, accrochés très haut aux arbres dans les villages abandonnés de la zone d'exclusion. Plusieurs ruches sont par terre et servent d'abri aux animaux forestiers, les écureuils, les souris et les oiseaux. On peut facilement trouver la maison du grand-père Mikhaïl dans les broussailles des rues abandonnées de Tchernobyl. C'est un secteur presque inhabité, dont la plupart des maisons sont abandonnées et recouvertes de buissons. Avant l'explosion de la station de Tchernobyl, Mikhaïl travaillait comme professeur de musique dans le village Krasnoé, qui se trouvait à 1 kilomètre de la station radioactive. Le deuxième jour de la catastrophe, je travaillais dans le village Krasno avec des médecins et je distribuais de l'iodure de potassium. J'entre dans une maison et je vois mes amis et des parents de mes élèves parce que j'étais professeur. Et ils me disent « Mikhaïl Pavlovitch, l'iodure de potassium ne devrait être avalée qu'avec du lait frais, trait de la vache. » Et je l'ai donc bu ainsi. J'entre ensuite dans la deuxième maison et là ils disent « Eh non, un professeur de Leningrad dit que l'on devrait boire de l'iodure de potassium qu'avec de l'eau de vie. » Alors je me suis versé une demi-tasse de l'eau de vie et je l'ai bu comme ça. Et comme vous voyez, je n'ai aucune déviation. Deux jours après la panne, toute la population de la ville a été évacuée et l'ancien professeur de musique a été obligé de quitter sa maison. Un an après l'évacuation, Mikhaïl Tchilan et sa femme Paraska sont revenus dans leur Tchernobyl. La femme de Mikhaïl est décédée il y a quelques années. Maintenant, l'homme seul doit s'occuper de lui-même et de son ménage. Le rythme de vie d'un résident est soumis à la nature. Il se réveille au lever du soleil et se couche au coucher du soleil. Le printemps, l'été, l'automne sont consacrés au travail dans le jardin, cultiver et récolter. L'hiver est le temps de repos. Le grand-père Mikhaïl a créé un musée dans sa ville. Les anciens objets se trouvent dans le hangar en bois et en ardoise. Ce sont les objets d'usage courant que les habitants de Tchernobyl utilisaient pendant toute cette dernière centaine d'années. Avant la catastrophe, la ville de Tchernobyl avait le statut de centre régional où habitaient 13 000 habitants. Elle se trouve à 16 km de la station nucléaire. Deux jours après la catastrophe, les habitants ont quitté la ville. Plus personne n'habite dans les immeubles à plusieurs étages des rues centrales. Les maisons privées et les constructions, les routes et les communications tombent en ruine sous les forces de la nature. L'asphalte et les trottoirs se cachent sous la terre alluviale. La nature absorbe la ville de Tchernobyl, abandonnée par ses habitants. Les mêmes processus se passent partout sur le territoire de la zone d'exclusion. La nature se débarrasse petit à petit des traces du séjour de l'homme et envahit les territoires des villes et des villages. Aujourd'hui, la ville fantôme de Pripyat est totalement abandonnée par ses habitants et absolument perdue. Elle est couverte presque entièrement par le tapis vert et par les arbres. Les maisons en briques et en béton tombent en ruine sous l'influence du vent et des pluies. Bientôt, les constructions à plusieurs étages ne tiendront plus debout et vont s'effondrer. Les stades, les terrains de jeu et les trottoirs, où il y a 30 ans on pouvait entendre les voix des enfants, tombent en ruine sous l'influence des plantes. Les arbres verts qui poussent au bord des chemins ont serré leur couronne en transformant les rues principales de la ville en tunnels naturels. Le temps va passer et les feuilles tombées vont créer une qualité suffisante de substrat alimentaire sur le béton et l'asphalte. Bientôt, la jeune forêt va absorber les infrastructures de la ville. En seulement 30 ans, la ville de Pripyat s'est transformée en une île verte d'où se voient les silhouettes des immeubles à plusieurs étages. Les habitants qui ont décidé de revenir à leurs habitations sont un des plus grands phénomènes de la catastrophe. Ils sont devenus un composant inaltérable de la zone. Généralement, ce sont les autochtones âgés de Polésie qui veulent garder leur style de vie d'antan. La grand-mère Galia fait sa réserve d'eau au puits qui se trouve à la fin de la rue envahie par les broussailles. Cette année, elle va avoir 92 ans. Elle habite dans la zone de Tchernobyl depuis 26 ans. Grand-mère, quel chemin avez-vous pris pour partir ? Quel chemin ? Le chemin des partisans, mes enfants. Et comme ça, je marchais vers Tchernobyl. Derrière l'enceinte en bois se trouve une petite maison où habite la vieille dame et où se trouvent les autres constructions. Dans sa maison, il y a le jardin où elle fait pousser la plupart des produits alimentaires. J'ai planté des pommes de terre et je les aurai si je reste toujours en vie. Il faut vivre. Il y a quelques années, il y avait d'autres habitants dans ce village. Mais après leur mort, Galia est restée toute seule dans le village. La grand-mère Galia est sûre que ce n'est pas dangereux de vivre dans ces conditions et que si on ne voit et ne sent pas la radiation, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cauchemar ! La radiation ici ! On ne peut pas y vivre, on ne peut rien manger. Alors où est la radiation ? Il n'y en a pas ! Les résidents se sont habitués aux conditions de vie dans la zone d'exclusion et ont formé leur propre style de vie particulier. La vie de ces habitants se fait presque en autonomie complète. C'est une vie hors de la société, sans soutien des organismes officiels de l'État. Une vie qui oblige les gens à ne compter que sur leurs propres forces et moyens. Certains habitants ont un vrai domaine, avec un grand jardin, un poulailler, une étable et un rucher. Ils ramassent les pommes de terre et les poires dans leur jardin et les préparent pour l'hiver. La forêt leur donne des baies, des champignons et des noix. On cultive tout nous-mêmes. Les tomates, les carottes, les betteraves. Un vrai travail. Rien ne pousse sans travail. Tout le territoire de la zone de Tchernobyl abonde en fleuves et rivières. Le Pripyat est l'un des plus grands fleuves de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il traverse la zone du nord au sud-est et est la source la plus importante de l'export des radionucléides. Pendant la période des grandes crues et des inondations, le Pripyat ramasse les substances radioactives des territoires pollués. Son courant lent porte le strontium et le césium radioactifs dans le réservoir d'eau de Kiev. La surface du réservoir d'eau sur le territoire de la zone de Tchernobyl fait 2700 hectares. C'est ici, dans les fonds vaseux du fleuve Pripyat, que la partie significative des substances radioactives sorties du réacteur et jetées dans l'atmosphère est concentrée. Au fond du réservoir d'eau, il y a à peu près 3000 curies de césium-137 et 600 curies de strontium-90. Les scientifiques essaient de comprendre les mécanismes de rétablissement de la nature dans les conditions de la pollution radioactive. Depuis plusieurs années, ils cherchent les anomalies dans les cellules des organismes vivants et étudient les conséquences de la radiation. Sur le littoral, riche en substances organiques, se développent des communautés végétales de haute productivité. Beaucoup d'amphibiens, d'oiseaux et d'autres animaux ont trouvé ici leur maison. Les biologistes et les radioécologistes mènent des recherches sur les espèces de poissons et de mollusques qui habitent dans les bassins de la zone de Tchernobyl. Plusieurs spécimens de poissons pêchés dans le fleuve Pripyat ont des niveaux élevés de pollution et dépassent les normes admissibles des dizaines de fois. Les radionucléides les plus répandus dans les poissons sont le strontium et le césium. La nature du golfe du fleuve Pripyat étonne par sa beauté. La large terre submersible avec plusieurs îles et les rivages sablés envahis par la verdure a créé les conditions idéales pour la vie des plantes et des animaux sauvages. Plusieurs espèces d'oiseaux, d'insectes et d'amphibiens y ont trouvé un abri. Dans les eaux troubles habitent plus de 40 espèces de poissons. Pendant les grandes crues, les fleuves de la zone de Tchernobyl forment des prairies inondées. À cause de l'humidité abondante, une partie des prairies inondées s'est transformée en marais. La Polésie regorge de marais. Ils occupent de vastes territoires s'il y a de l'humidité. Ils ont aussi une valeur écologique exceptionnelle, car le marais assure la stabilité du microclimat, la stabilité du niveau de l'eau. Dans les marais, il y a un grand nombre de plantes et d'animaux. Les marais nettoient l'eau. Les marais tourbeux de la zone de Tchernobyl sont les filtres et les infirmiers de l'écosystème. Avec la mort des plantes, les substances radioactives de ces dernières reviennent dans la tourbe. Dans la tourbe, les radionucléides s'accumulent, ce qui diminue ainsi leur future diffusion. La tourbe augmente en moyenne d'un millimètre par an. Elle contient des résidus végétaux ainsi que des radionucléides. C'est un réservoir naturel qui accumule tout ce qui s'y trouve. Les restes des plantes ne sont jamais décomposés entièrement. Ils sont conservés en raison du fait qu'il existe des conditions très acides et un manque d'oxygène pour la décomposition. Si vous marchez hors des sentiers battus, comme nous le faisons maintenant, il faut vérifier le sol avant chaque pas, car il semble que le sol vous tient et tout d'un coup, vous risquez de vous enfoncer profondément. Une partie des substances radioactives sorties du réacteur est retombée dans des fleuves et des lacs. Les bassins les plus pollués sont dans la zone de 10 km autour de la station. Ce sont les bassins fermés de la zone la plus proche de la station nucléaire de Tchernobyl. Le port fluvial de Pripyat était utilisé pour la livraison et le rechargement des matériaux de construction lors de la construction de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Après l'accident, afin d'arrêter le flux de radionucléides dans la rivière Pripyat, un barrage a été construit. Aujourd'hui, c'est un étang fermé que les oiseaux ont choisi. Nous voyons aussi comment les poissons évoluent ici. C'est un endroit calme et paisible de Tchernobyl. Dans ces lacs radioactifs vivent des poissons et des amphibiens. Le niveau de pollution de ces lacs dépasse les normes admissibles de 4000 fois. Des silures gigantesques se sont logées dans un canal spécial à travers lequel l'eau de l'étang réfrigérant coulait vers les réacteurs de la station électrique. Dans l'espoir de manger du pain, les poissons immenses viennent vers le pont ferroviaire construit sous le canal. La gueule d'un poisson apparaît lentement de l'eau trouble radioactive. En une seconde, les lèvres moustachues se ferment sans bruit, au-dessus de la nourriture jetée dans l'eau. L'influence de l'irradiation sur les organismes vivants mène à l'accumulation des effets génétiques cachés et des mutations. Le fardeau génétique accumulé depuis de longues années peut se manifester dans les générations à venir des animaux. Ici, la radiation de fond varie entre 60 et 400 micro-Röntgen par heure. C'est 2, 3, 5, 10 fois plus élevé que dans les autres parties de la zone d'exclusion. Mais le facteur de radiation a peu d'effet sur la vie des animaux. Principalement, la vie des animaux dépend de la disponibilité de la nourriture et de l'absence d'influence humaine, mais pas de la radiation, qui est assez élevée à cet endroit. Trente ans après la catastrophe et l'évacuation de la zone de Tchernobyl, les terres dépeuplées sont devenues le royaume de la nature sauvage. Plus de 70% de la zone moderne de Tchernobyl est couverte de forêts. Le pin et le bouleau sont deux espèces qui forment aujourd'hui des écosystèmes forestiers. Il faudra encore 30 ans et tout l'espace ouvert de la zone de Tchernobyl se transformera en forêt. La vie dans ce monde radioactif est difficile et dangereuse. Les organismes vivants qui ne peuvent pas s'y habituer mourront. Ils vont devenir des nutriments pour les autres en continuant le cycle de la vie. C'est la loi de la nature qui n'épargne pas les faibles et qui donne abondamment à ceux qui se battent pour leur existence. reviendra pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette conférence de rentrée de notre groupe parlementaire. Donc vous avez noté que pour la première fois depuis 20 ans, nous n'avons pas de session extraordinaire à l'Assemblée, notamment parce que la Macronie espérait pouvoir consolider une éventuelle alliance avec LR. Et la petite musique qui se faisait jour à la fin de la session extraordinaire terminée le 4 août, c'est que finalement Emmanuel Macron avait trouvé sa majorité présidentielle entre le bloc macroniste et les LR. En cette rentrée, il n'en est rien, d'abord parce que les LR ont exprimé le fait qu'ils voulaient voter contre le budget, on verra ce qu'ils en font à la fin, mais surtout nous avons une Macronie plus affaiblie que jamais. Affaiblie parce que, vous l'avez vu, ils sont absolument tout seuls sur le Conseil national de la refondation, puisque Édouard Philippe a refusé d'y aller, puisque FO et la CGT ont refusé et qu'aucune des oppositions ne s'est rendue à son Conseil national de la refondation que les macronistes appellent eux-mêmes le bidule. Emmanuel Macron a dû supplier les collectivités pendant 2 heures pour qu'ils acceptent de participer à ce Conseil national de la refondation. De même, Macronie, plus affaiblie et plus seule que jamais, lorsque vous voyez que pour la deuxième fois depuis le début de la législature, vous avez 8 syndicats et 5 organisations de jeunesse qui publient un texte contre la réforme de l'assurance chômage, comme des syndicats s'étaient exprimés sur le texte pouvoir d'achat. Et affaibli et plus seul que jamais, lorsque le Conseil d'orientation des retraites lui-même renie les discours qui affirment qu'il y aurait, je cite, « une dynamique non contrôlée des dépenses » et donc réaffirme qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir une réforme des retraites. Mais Macronie affaiblie, mais Macronie divisée aussi. Vous l'avez vu sur les super-profits, vous aviez d'abord Sacha Houlier, le président de la commission des lois, qui expliquait que oui, il fallait taxer les profiteurs de crise, Bruno Le Maire qui réaffirmait qu'il ne savait pas ce qu'étaient les super-profits, ensuite Madame Borne qui a ouvert la porte, Bruno Le Maire qui a réaffirmé qu'il ne savait pas ce qu'étaient les super-profits. De nouveau, vous avez ensuite Madame Yael Braun-Pivet qui dit qu'il faudrait un système plus juste, et M. Bruno Le Maire qui de nouveau ferme la porte en réaffirmant qu'il ne sait toujours pas ce que sont ces super profits. De même, et c'est encore plus flagrant, sur la réforme des retraites. Sur la réforme des retraites, rien ne va ni sur le fond ni sur la forme. Vous avez entendu M. Bayrou qui réaffirme qu'il refuse tout passage en force puisque est proposé soit un 49-3 et ou un amendement dans le PLFSS directement. Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, a lui-même considéré dimanche le 49-3 comme une prise de risque pour le gouvernement. Quant à la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Yaël Braun-Pivet, elle a renvoyé le sujet à un texte spécifique début 2023 en s'exprimant contre le fait qu'il y ait un amendement seul dans le PLFSS. Donc en définitive, nous sommes face, en cette rentrée, à une Macronie qui est sans cap et sans idée. Avec une minorité présidentielle qui, pour pallier à son absence de majorité, ne cesse d'avoir recours à des conseils de défense et à d'autres bitonio comme le Conseil national de la refondation, qui nous refait encore une fois le coup du grand débat, alors que, n'en déplaise à Emmanuel Macron, nous avons de la mémoire. Et nous nous rappelons qu'en 2019, 10 000 cahiers de doléances et 1,9 million de contributions prennent toujours la poussière je ne sais où dans les préfectures. Et surtout avec, en cette rentrée, un monde où ils n'ont plus à nous offrir que rationnement, tristesse. Vous avez sûrement vu l'actualité récente, non seulement avec l'université de Strasbourg qui annonce qu'elle va fermer 2 semaines supplémentaires, des fermetures de piscines décidées par un prestataire tout seul pour pouvoir mieux préserver les millions de bénéfices qu'ils font habituellement, ou encore cette nouvelle à Lyon, où pour économiser l'électricité, un office HLM a demandé à ses locataires de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Donc, ce monde triste qu'ils nous préparent, ou qui est déjà là, ils n'ont de cesse, du coup, de multiplier les provocations et de mener la guerre contre le peuple. Pour faire diversion, la Macronie nous prépare une rentrée nauséabonde. Vous avez vu les annonces sur un texte immigration, bien sûr le projet de loi assurance chômage contre lequel nous allons ferrailler durement, parce que je le rappelle, persécuter les chômeurs n'a jamais aidé à résoudre le problème du chômage. Le projet de loi énergie renouvelable dans lequel il n'y a pas une seule fois des mesures de sobriété ou d'efficacité énergétique, et encore la réforme des retraites dont nous ne savons pas sous quelle forme elle sera passée. Face à cette rentrée, nous, le groupe parlementaire LFI NUPES, sommes en ordre de bataille. Nous allons nous préparer d'abord avec 2 journées de travail que va vous présenter Alexis Corbière qui auront lieu ce jeudi et ce vendredi, à l'Assemblée nationale. Puis, nous allons faire un temps de travail NUPES, que va vous présenter cette fois-ci Clémentine Autain, qui aura lieu le 27 septembre après-midi. De même, nous continuerons à batailler à la fois dans l'hémicycle et dans la rue. Dans l'hémicycle, vous allez nous trouver sur la question de la crise énergétique, avec un contre-plan sobriété juste qui va vous être présenté juste après par Alma et Aurélie, qui permettra de mettre nos propres propositions, parce qu'il est inacceptable qu'après avoir attendu aussi longtemps, nous n'ayons un débat que le 15 octobre seulement, ce qui est beaucoup trop tard lorsque l'on sait que les problèmes énergétiques arriveront dès novembre. Sur la crise sociale, nous continuerons à faire signer notre pétition Super Profit. Nous allons déposer le référendum d'initiative partagée sur la question des super profits en tant que NUPES. Nous allons faire un contre-projet, là aussi NUPES, dont nous vous parlerons une autre fois, parce que sinon nous avons beaucoup de choses dans cette conférence de presse, et nous rendrons le rapport Allo Ségur, qui est le rapport qui rend compte du nombre de visites d'hôpitaux qui ont été faites par les députés du groupe dans tous les endroits du pays et qui nous permettront de travailler à la bataille sur la question du PLFSS. Enfin, sur la crise démocratique, j'alerte solennellement. Si le gouvernement continue de vouloir passer en force, quelle que soit la manière dont il veut passer en force, nous lui opposerons une motion de censure. De même, dans l'hémicycle, mais aussi dans la rue, nous serons au rendez-vous du 22 septembre pour la mobilisation des soignants, nous serons au rendez-vous des manifestations climat les 23 et les 25 septembre, au 29 septembre au rendez-vous des syndicats, et bien sûr au 16 octobre à la marche contre la vie chère et l'inaction écologique. Bref, il semble que dans ce moment où la Macronie est divisée plus que jamais et affaiblie plus que jamais, Madame Le Pen est en train de se réveiller et de se rêver en alternance comme une continuité du système néolibérale, alors qu'elle n'est encore une fois que l'assurance vie d'un système. J'en veux pour preuve les votes qui ont été faits main dans la main sur contre la hausse du SMIG, contre le gel des loyers, avec la prime en prime le racisme et la xénophobie qui sont la marque de fabrique de l'extrême droite dans notre pays. Nous nous posons ici toujours comme premier opposant et premier proposant face au monde d'Emmanuel Macron. Nous sommes la force qui permet la rupture, qui est l'alternative à ce monde de malheur. Et Clémence Guettet terminera par vous montrer justement cette force de proposant avec les textes que nous présenterons dans notre niche parlementaire du 24 novembre pour faire face aux urgences sociales, écologiques et démocratiques. Et je vais commencer par laisser Alexis nous parler de nos journées parlementaires. Merci Madame la Présidente. Et le vainqueur est... Bonjour à tous. Très rapidement, donc des journées parlementaires qui sont importantes pour nous, car le temps passe vite et ce sont nos premières journées parlementaires. Donc vous le savez, parmi 75 désormais, qui a beaucoup travaillé, qui a plus que joué son rôle au mois de juillet, qui pour la première fois va se retrouver dans un moment de discussion, de formation. Alors il y aura 15 ateliers qui se tiendront durant ces deux journées, jeudi et vendredi. Il y aura plus de 17 députés différents qui vont animer ces ateliers. Les thèmes qui seront abordés seront notamment une discussion, un bilan sur la session qui a eu lieu. Il y aura aussi une journée qui sera marquée par une participation d'une délégation de ces journées aussi à la manifestation, car ne perdons pas de vue que ce qui se passe en dehors nous intéresse. Il y aura une formation sur les préventions des violences sexistes et sexuelles, notamment animées par... l'entreprise, le groupe EGAE que vous connaissez, un moment fort sur la marche du 16 octobre dans lequel nous sommes engagés et il faut que le groupe parlementaire puisse être partie prenante de la réussite de cette journée politique qui pour nous est un grand succès dans déjà le fait qu'elle existe, qu'elle est appelée en succession des journées d'action syndicale, un moment de réflexion sur la stratégie parlementaire face à l'extrême droite, à la fois au Parlement puis aussi plus largement dans le pays, quelle stratégie parlementaire dans le cadre du projet de loi de finances qui arrive, la présentation de notre contre-budget animé notamment par notre président de la commission des finances, le nôtre, du moins celui de l'Assemblée nationale, mais il est dans notre groupe, Éric Coquerel, on en est fiers, avec Marianne Maximi également. Également la stratégie parlementaire sur le projet de loi de finances sécurité sociale animé par l'excellente Caroline Fiat et Damien Maudet, je dis ça parce qu'elle est derrière moi et qu'elle me surveille. Ensuite, des présentations de trois textes sur le marché du travail, en finir avec la chasse aux chômeurs avec Adrien Clouet, Farida Amrani qui animera cela, sur les énergies renouvelables avec Alma Dufour et Mathias Tavel qui sont là, et également sur les questions de sécurité, sûreté, refonder un service public de la police animé par les excellents aussi Hugo Bernalici et Raquel Garrido. Je dis ça parce qu'il y a un mélange dans l'animation de ces ateliers par des députés plus expérimentés, mais aussi des néo-députés qui sont déjà... plus que vous le voyez, en capacité de jouer un rôle premier dans tout ça. Donc ce sera deux journées importantes pour nous, qui seront marquées par une introduction de notre présidente. Et nous les jugeons importantes, je le répète, parce que je sais bien que, notamment, la vie politique, la vie médiatique exige souvent des réponses rapides à toute question. Mais excusez du peu qu'un groupe s'est mis en place, a commencé à travailler. Les collègues députés ont pris leur marque, si je puis dire, réunir une équipe, trouver des locaux. On a fait tout ça. Et cette première journée parlementaire permet un peu de faire le bilan. Et c'est très attendu, évidemment, de la part de tous les collègues députés. Deux journées durant lesquelles vous ne serez pas invité. La question m'a été posée. Nous avons évidemment considéré que autant il y aura des comptes rendus de nos travaux qui seront faits, mais ce ne sont pas des journées ouvertes à la presse. Vous le comprendrez aussi aisément, parce que des journées ouvertes à la presse amènent à ce qu'évidemment les paroles sont parfois un petit peu différentes. Et nous avons besoin évidemment que nous puissions discuter tranquillement de tout ça. J'espère que vous le comprendrez, ce qui n'empêchera pas évidemment que des comptes rendus vous seront faits de nos travaux. Vous voyez beaucoup de sujets différents, beaucoup de qualité qui est attendue, et une volonté aussi pour le groupe de se retrouver, d'échanger, de pouvoir profiter de l'expérience de chacun et de pouvoir nous projeter pleinement sur les batailles qui viennent. C'est le plus important, une rentrée parlementaire avec, tel que l'a dit la présidente Panot, de haute intensité, durant lequel rien ne doit nous dévier sur le rôle premier que nous devons jouer, celui d'être un instrument utile au plus grand nombre pour faire face aux attaques de ce gouvernement. Ce sera l'objet de ces deux journées de travaux. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Et alors, la semaine prochaine, nous aurons donc une après-midi de séminaire de la NUPES, de tous les députés de la NUPES, qui sont organisés, comme vous le savez, en intergroupe, puisque tous les mardis matins, nous nous réunissons pour coordonner nos travaux. Et nous avions dit depuis le début qu'il était important qu'on ait des temps d'échange avec l'ensemble des députés de la NUPES pour caler notre stratégie et la façon dont nous voulons évoluer dans l'hémicycle. Alors, nous aurons à partir de 14h un premier débat très ouvert sur la stratégie commune qui est la nôtre, qui permettra de faire un point un peu bilan perspective, puisque c'est la première fois qu'on va se retrouver tous ensemble, toutes et tous ensemble. Et ensuite, nous aurons un débat sur la contre-réforme sur le chômage qui s'annonce, puis un deuxième débat sur le budget. Et le soir, c'est important, nous aurons un temps de convivialité auquel vous ne serez pas non plus conviés, je m'excuse d'avance. Je sais que vous auriez pris grand plaisir à venir boire un verre avec nous, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi apprendre à se connaître dans un moment de convivialité. C'est une étape importante puisque Alexis parlait du bon qu'a fait le groupe de la France Insoumise, mais en réalité, c'est aussi l'ensemble des groupes de gauche dans l'hémicycle qui ont prospéré grâce à la NUPES. On est passé en gros de 50 à 150, c'est pas rien. Donc on a besoin de se rencontrer, de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Donc c'est un temps qui est très attendu et qui, je pense, nous permettra de, à la fois que chacun garde sa spécificité, mais qu'on fasse grandir la culture commune. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais revenir sur la question énergétique avec ma collègue Alma Dufour. D'abord, pour vous dire qu'on a appris comme vous il y a quelques jours en commission des affaires économiques et dans l'hémicycle que, il allait y avoir des décisions essentielles pour la vie des Françaises et des Français qui ont été en fait discutées et décidées en huis clos, en l'occurrence notamment le Conseil de défense de l'énergie. Des décisions qui sont essentielles, donc. Et on voit bien que la question de l'énergie, finalement, est chapeautée par, là encore, la monarchie présidentielle. Donc on apprend notamment que, eh bien, il y aura 15% de hausse pour ceux qui ont la chance, d'en bénéficier, plus 15% pour les factures de gaz et d'électricité. Et je dis bien ceux qui ont la chance d'en bénéficier, puisqu'en fait, il y a d'énormes trous dans la raquette, par ailleurs. Des trous dans la raquette pour toutes les entreprises, toutes les collectivités locales de plus de 10 salariés. Aucune annonce en la matière, j'y reviendrai, pour les collectivités locales, mais aussi pour tout un tas d'usagers, de ménages, par exemple pour tous ceux qui sont locataires en propriété collective et dans les logements sociaux et collectifs. Donc d'énormes trous dans la raquette, et les collectivités locales qui ont parfois subi des fois 2, fois 3, fois 4 de factures, avec des gymnases, avec des piscines qui ferment, etc., eh bien ces collectivités locales ne bénéficient pas, comme vous le savez, du tarif réglementé et vont voir encore ces factures à nouveau exploser. Je dois dire d'ailleurs qu'en audition la semaine dernière, Bruno Le Maire, je ne sais pas s'il nous a menti sciemment ou si c'est par manque de compétences sur le sujet, mais nous a dit très clairement le contraire. Non, pas de problème pour ceux qui sont avec les fournisseurs alternatifs, pour les logements sociaux, etc., ce qui est évidemment une contre-vérité. Donc nous allons évidemment mener la bataille là-dessus, mener la bataille pour une sobriété juste, pour passer l'hiver de façon juste et de façon efficace, parce que par ailleurs, et je vais laisser la parole à ma collègue Alma Dufour, et bien tout ce que nous allons vivre cet hiver est aussi le résultat d'une politique qui dure depuis 5 ans et qui nous amène à une situation absolument catastrophique en matière énergétique et en matière sociale. Oui, tout à fait. Ben, je serai brève. Comme vous le savez sûrement sans doute, les prévisions pour cet hiver sont pas très très joyeuses. On nous annonce, vu que la moitié des réacteurs nucléaires sont aujourd'hui à l'arrêt, ce qui aurait pu être prévu, puisque dès 2018, RTE a annoncé qu'en 2022, on aurait une indisponibilité majeure et historique du parc nucléaire. Donc tout ce qu'on nous présente comme le fruit de la guerre en Ukraine et le fruit d'un fâcheux concours de circonstances, en fait, est quelque chose de politique et relève de l'impréparation de ce gouvernement, mais plus généralement de tous les gouvernements européens et mondiaux qui se revendiquent de la philosophie néolibérale en réalité et qui pensent que l'énergie est un bien qui peut être soumis aux lois du marché. Or, ce n'est pas le cas et on le voit aujourd'hui. Toute cette situation aurait pu être, sinon évitée, au moins largement minimisée. Donc en gros, RTE nous annonce que si l'hiver s'avérait assez froid, que dès novembre, on pourrait peut-être connaître des risques de coupure d'électricité. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ma collègue Aurélie a expliqué que pour les entreprises et pour les collectivités, les factures d'énergie ont été multipliées par 4. Mais en fait, ça veut dire aussi que les prix de l'alimentation, par exemple, sont en train d'augmenter à cause de ça. Aujourd'hui, l'inflation de 12% dans l'alimentaire que l'on voit au supermarché est aussi due au fait que les entreprises doivent payer une facture d'électricité multipliée par 4. Donc dans les produits laitiers, pour le frais, etc., ça a un vrai, vrai impact sur tous les Français, même ceux qui sont aujourd'hui protégés en partie par le bouclier tarifaire. Cette situation aurait pu être évitée si on avait pris le sujet énergétique au sérieux en investissant massivement dans les énergies renouvelables. Je dois rappeler quand même que la France est le seul État de l'Union européenne qui n'a pas atteint ses objectifs d'énergie renouvelable l'année dernière, sachant que nous n'avons que 20% de la capacité solaire installée en Allemagne et en France, alors qu'on a un pays quand même beaucoup plus ensoleillé, sachant que nous avons aujourd'hui 11 gigawatts de solaire et 18 gigawatts d'éolien qui auraient pu être accordés au réseau, qui sont en attente d'autorisation préfectorale pour être accordés au réseau, et qu'il y a des blocages politiques partout où des projets d'énergie renouvelable se développent à leur développement. Sachant qu'on est aussi un très mauvais élève sur la rénovation énergétique des bâtiments, qu'aujourd'hui, sur quelques 200 000 rénovations énergétiques performantes, seules 40 000 concernent des passoires énergétiques, que dans un siècle, on n'aurait pas rénové, si on continue sur ce rythme-là, on n'aura pas encore rénové toutes les passoires énergétiques qui existent aujourd'hui en France. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement prenne ce sujet-là au sérieux, puisqu'il n'est pas capable de le faire et qu'il va présenter un plan de sobriété le 15 octobre pour des coupures qui vont peut-être arriver début novembre. Nous prenons en main ce sujet-là. Nous allons annoncer donc dans les jours à venir un plan de sobriété et nous demandons à ce qu'il y ait une augmentation massive dans le budget de PLF 2023, des crédits alloués à l'écologie. L'enveloppe a un peu augmenté, mais c'est largement insuffisant. Suite à l'été qu'on a passé et à l'hiver qu'on s'apprête à passer, un doublement des crédits alloués à l'écologie et à la transition énergétique aurait été plus que nécessaire. Donc voilà, c'est ce qu'on demande aujourd'hui et ce qu'on va pousser dans les prochaines semaines. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai la tâche de vous présenter le contenu de notre niche parlementaire qui aura lieu le 24 novembre à l'Assemblée nationale. La semaine d'avant, les textes seront examinés en commission. Vous avez derrière moi les rapporteurs et rapportrices de ces 12 textes que nous allons présenter. C'est une niche qui est très ambitieuse parce que Mathilde Panot, la présidente de notre groupe, l'a dit. On veut faire la démonstration de toujours être en capacité de proposer des solutions, des contre-projets. Toutes ces propositions-là sont issues du programme partagé de gouvernement de la NUPES. Elles sont donc faites en accord avec le reste des composantes politiques de l'intergroupe. On a pour objectif de communiquer sur cette journée qui est très importante pour nous et donc de mettre en place des moyens pour que les citoyennes et les citoyens comprennent les enjeux, suivent les débats qui auront lieu pendant ces journées. Pour vous résumer les 12 propositions, il y a 4 axes principaux selon lesquels nous avons déterminé nos choix. Le premier axe, c'est le fait d'être à la hauteur des urgences qui se posent à nous aujourd'hui. Il y a l'urgence et il y a le temps long, j'y viendrai après, mais sur l'urgence en tout cas, première proposition sur le fait de pouvoir enfin vivre dignement dans notre pays. Je mets dans cette catégorie une proposition de loi pour l'augmentation du SMIC qui va être portée par Alexis Corbière, qui a été mise en place dans d'autres pays européens notamment, donc c'est tout à fait possible de le faire. Également, qui appartient à cette catégorie, il y aura une proposition de loi portée par Jean-Hugues Ratenon pour lutter contre la vie chère en Outre-mer, puisqu'il y a eu des promesses qui ont été faites par le président de la République, que le niveau de vie entre l'Hexagone et les différents territoires ultramarins est absolument différent, et cette différence est scandaleuse, et qu'en plus de ça, la vie y est plus chère. C'est une problématique qu'on connaît, mais sur laquelle, pour l'instant, les réponses ne sont pas à la hauteur. Toujours sur la vie digne, nous aurons une proposition de loi sur la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, pouvoir vivre dignement, avoir accès à l'hygiène, pouvoir, voilà, les usages différenciés de l'eau après l'été qu'on a passé sont dans nos préoccupations. Ensuite, sur les propositions d'urgence face aux crises, toujours, nous proposons des lois sur le fonctionnement hôpital, on est en train d'assister à une situation d'effondrement, de crise, avec des personnels et des usagers qui sont au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus. Donc sur la question de l'hôpital, c'est Nadège Abomangoli qui va porter une loi pour titulariser et créer un corps de fonctionnaires des AESH. Ce sont donc les assistantes d'éducation pour enfants en situation de handicap, qui se sont mobilisées toute l'année dernière en vain, qui sont sous-payées, dont on manque dans notre pays. Il y a de nombreux enfants qui n'ont pas d'accompagnante et qui, de ce fait-là, n'ont pas accès à une scolarité normale, régulière. Et donc la situation en cette rentrée nous est remontée dans tous les établissements qu'on est allé voir. Et donc Nadège portera une loi sur cette question. Ensuite, sur l'hôpital, je disais, on veut parler services publics. C'est Caroline Fiat qui va porter une loi sur la réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vaccinés, avec l'accès à un protocole sanitaire renforcé pour cette réintégration, mais qui nous semble une situation injuste et injustifiée compte tenu du manque de personnel auquel nous faisons face actuellement. Ça, c'était pour l'urgence. Ensuite, sur le temps plus long, on a trois propositions de loi. Une première qui est portée par Louis Boyard, qui est ici, sur l'allocation d'autonomie pour les jeunes, qui était une mesure qu'on a beaucoup portée pendant la campagne et qu'on continue de porter avec aussi les organisations syndicales étudiantes sur le fait de pouvoir former notre jeunesse et donc leur donner les moyens de vivre dignement pendant qu'ils font leurs études, à partir de 16 ans en lycée pro, à partir de 18 pour les autres. Deuxième proposition de loi sur le temps long, une loi présentée par Clémentine Autain, qui vise à mettre fin à la concentration dans les médias, qui nous paraissait un enjeu extrêmement important, qui vise à garantir un peu plus de pluralité, de débat démocratique, quand on sait que 90% des médias sont détenus par 8 milliardaires, dont tout le monde connaît les noms, et nous pensons que ça nuit largement à la possibilité d'avoir un débat démocratique serein. Sur le temps long, toujours, une proposition de loi dont Alma Dufour a parlé, qui va être portée par Aurélie Trouvé, tout ça dans le cadre d'un groupe de travail sur l'énergie, sur la rénovation thermique des bâtiments, puisque elle l'a dit, il nous faudrait un siècle au rythme actuel pour en finir avec ce fléau qui fait que les gens vivent mal et que la question de la bifurcation énergétique n'est pas du tout prise au sérieux. Ensuite, nous avons un troisième axe dans cette niche parlementaire qui vise à faire preuve d'esprit de consensus. Vous connaissez notre volonté de faire des compromis, évidemment, avec la majorité. Et donc, nous leur tendons la perche avec plusieurs textes qui visent à les mettre face à leurs responsabilités politiques. Le premier d'entre eux est un texte qui vise à protéger, à garantir le droit fondamental à l'IVG et à la contraception, qui sera présenté par notre présidente Mathilde Panot, qui en plus a été travaillée dans le cadre de l'intergroupe de la NUPES, puisque vous le savez, il est porté au Sénat au mois d'octobre dans le cadre d'une autre niche parlementaire. Donc c'est pour nous le moyen de faire un rebond là-dessus. Les macronistes s'étaient engagés par la voix d'Aurore Berger, la présidente de leur groupe, à travailler sur ce sujet, à le mettre à l'ordre du jour. Il n'en a rien été, donc nous leur donnons une occasion supplémentaire. Et par ailleurs, nous verrons également la position du Rassemblement national sur cette question extrêmement importante pour les droits des femmes, puisque quelques voix de nouveaux et nouvelles députés du Rassemblement national s'étaient positionnées contre l'IVG avec des termes atroces dont je vous passe le détail ici, mais il nous paraît intéressant d'avoir ce débat. Deuxième sujet, toujours dans un esprit de consensus et de compromis, c'est Mathias Tavel qui va porter une proposition de loi constitutionnelle qui vise à abaisser le seuil du RIP, qui est donc le référendum d'initiative partagée. Aujourd'hui, vous le savez, il faut 4,7 millions et quelques d'électeurs inscrits pour déclencher le RIP. Nous souhaitons abaisser le seuil à 1 million. En emboîtant le pas, là aussi, au président de la République, Emmanuel Macron, qui s'était prononcé en faveur de cette mesure. Et donc nous sommes à peu près sûrs que ça va pouvoir être voté par la Macronie. Et enfin, dernier sujet dans cette catégorie-là, une proposition de loi portée par Aymeric Caron pour en finir avec la corrida et cette question très importante pour nous de la maltraitance animale, avec une majorité de Français qui aujourd'hui s'est positionnée en faveur de cette abolition. Et puis enfin, dernier axe sur lequel nous avons une proposition de loi qui vise à faire la lumière et à éclairer quelques scandales en cours. En tout cas, c'est Daniel Simonet qui va porter une proposition de résolution qui vise à la création d'une commission d'enquête sur la question des Uber Files et du rôle d'Emmanuel Macron dans l'implantation d'Uber en France. Ce sujet a quelques mois, mais dans le cadre du mouvement aussi, et suite aux travaux parlementaires de Leïla Chaïbi au Parlement européen, il nous paraît important de continuer à suivre cette question. Donc si vous le voyez, c'est chargé et c'est dense, 12 textes qui quand même pour nous ont une cohérence d'ensemble, qui seront discutés en commission et puis ensuite en séance fin novembre, où on espère pouvoir mener tout un travail d'audition avec des acteurs et actrices. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Florence, il y a quelques jours. Dans cette petite ville de Gascogne, un millier de personnes venues de toute l'Europe assistent au premier congrès international pour la défense de la nature. À Florence, le poulet et le veau aux hormones ont été bannis des étalages. Dans le même temps, on constate que partout en France se multiplient et prospèrent les commerces de produits dits naturels. Il y a actuellement sur tout le territoire 1200 magasins, dont 250 pour la seule région parisienne. Pouvez-vous me dire ce que vous mangez ? Une pizza fabriquée avec une farine qui a gardé son germe. Pourquoi mangez-vous des produits naturels ? Sans vouloir absolument des choses naturelles pour elles-mêmes. Si c'est pour améliorer le fonctionnement du corps, c'est meilleur. Et quoi ? Parce que c'est reconnu que tous les produits chimiques sont cancérigènes. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de ces magasins a augmenté de plus de 30%. Quelles sont donc les raisons de cette augmentation spectaculaire ? Cette augmentation s'explique par les campagnes multiples qui ont été faites contre la pollution. Comment peut-on vérifier si ces produits sont réellement, comme on le dit, naturels ? Eh bien, ma foi, il faut s'en remettre à l'étiquetage qui porte le nom du producteur, du cultivateur qui les a cultivés, et celui-ci s'engage par un contrat de culture à ne produire que des légumes poussés dans un sol amendé d'une manière naturelle et organique. Et si, ma foi, il viole sa promesse, il s'expose d'abord à des sanctions extrêmement sévères de la part de l'administration, du service de la répression des fraudes, et ensuite il perdrait automatiquement sa clientèle, et on peut vérifier facilement en se rendant dans son exploitation. Monsieur Savier est maraîcher. Il traite ses légumes comme on les cultivait au début du siècle, en employant des engrais naturels, comme par exemple le compost. Alors voilà un compost qui est bon à employer. Il est couvert de paille pour éviter que le soleil ne le dessèche. Et qu'est-ce que c'est exactement un compost ? Ce c'est tous les déchets végétaux, les fumiers, et puis des engrais organiques que l'on met avec un petit peu d'algues, algues marines. Alors tout ça c'est broyé par les vers de terre, les micro-organismes, les bactéries. C'est digéré, c'est en quelque sorte c'est un levain bactérien. C'est eux qui sont chargés, tous ces micro-organismes, de rendre solubles tous les minéraux insolubles du sol. Comment êtes-vous venu à bannir les éléments chimiques dans votre culture ? C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie,

Flicam justus banus assumam belmondum, ouais. Flicam agentus centurionem. Hé là, quoi discussionem? Quoi s'est passé, Tilum? Agentus témoinem. Ouais. Imbécilum enfoncem par chocum. Hein? Conduisus comme un mancham. Faisum exprem. Mais bouchem la rue avec son gros ventrum. Oh, attentionem répétum. Gros ventrum. Répétum. Gros ventrum. Arracham les oreilles, s'approchem. Silencem. Obsedum sexualis. Calmus. Comment sam? Reculare, constatem degatum. Ah. Panferum attentionem, non? Eh ben, flicum plancus ripatonus. Ah. Papyrum. Papyrum. Papyrum. Mésigum. Oui, tésigum, papyrum. Voilà. Cartum grisem. Cartum grisem, voilà. Vignetus. Vignetus, voilà. Attestationem assurantiam. Attestationem assurantiam. Dépêchons. Au minutem cherchem. Attestationem, voilà. Curriculum vitae. Voilà, totus le paquetus. Ouais. Non in reglum. Non in reglum. Vignetum perimem. Oh bah, oubliam. Oubliam. Assurantiam non acquitem. Oh, pas gravum. Pas gravum. Contraventionem. Contraventionem. Contraventionem. Alors, M, c'est la meilleure M. Ah, bah, merdoum. Dice merdoum. Es gourdam. Quoi dice? Merdoum. Merdoum. Merdoum, merdoum, merdoum, merdoum. Insultam polissem. Mais pas per polissem, per messala. Grossierum avec un gardianus pace. Non, mais explique. Suivam commissariam. Mais... Ah, commissariam, rigolam. Affondis la gueuloum. Appelle à réflicam et passé d'arrêt. Ah. Postum polissem. Minutem. Mais plaidram prefectus polissem, pas ponus. Sui decorem legionibus d'honorem. Scandalum in partibus martyrum. Ah, rigolam et appellare flicum. Flicum, flicum, flicum venus, mille balus dans le foin d'homme. Vue de presse, Paul Raoult, père de Sébastien Raoult, son fils, accusé de cybercriminalité par le FBI, est emprisonné près de Rabat, au Maroc, depuis plus de 100 jours. Il met en place des stratégies pour garder le moral. Alors, voilà. Ensuite, bien, en France, c'est toujours le même silence. J'ai quand même écrit au président de la République et à la première ministre et je n'ai aucune réponse. Il y a une volonté de ne pas correspondre avec la famille et c'est d'une violence extrême. Pour nous, c'est une offense faite à l'ensemble des Français parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et puis la loi française exige que les faits qui seraient commis par un Français sur le territoire français, ce qu'on rapproche à ce jeune-là, eh bien soient jugés par un juge français sur le territoire français. C'est ça, c'est la loi. Hein. Eh bien, la Macronie a du mal d'appliquer les lois. Elle applique les lois à sa façon. Voilà. Alors, Martin Vell, le Britannique David Irving, aime Charles III, pas la monarchie. Bon, voilà, il accepte d'admirer, de respecter le roi d'Angleterre, mais bon, pas la monarchie. Eh bien, il a bien raison. Ah oui, parce qu'en 2022, qu'il y a encore des monarchies dans le monde, ça laisse entendre que l'humanité, elle n'est pas si humaine que ça. Hein. L'humanité, elle progresse, mais pas vite. Oh là là. Ah, pas lent, elle progresse, l'humanité. L'intelligence de l'humanité. Oh là là. Ce cerveau qu'on a mis des millions d'années à construire, eh bien, il progresse, mais pas si vite que ça. Macron démolit le réseau des lycées professionnels. Très vite, on verra la pénurie de salariés et cadres intermédiaires hautement qualifiés. Le tout apprentissage, l'école à l'entreprise, le marché du savoir professionnel, c'est la faillite assurée du pays. Signé Jean-Luc Mélenchon. Eh oui, il était directeur des lycées de l'enseignement professionnel pendant plusieurs années. Et c'était quelqu'un de bien. Mais voilà. Gérard May, la Aigrisel, des parents d'élèves dénoncent des dysfonctionnements. Ensuite, sûreté nucléaire, des réacteurs à l'arrêt, mais un niveau de sécurité satisfaisant. Eh ben, c'est bien, on est rassuré. Hein? Face aux Occidentaux, en annonçant la mobilisation de 300 000 réservistes et en brandissant une nouvelle fois la menace d'un recours à l'arme nucléaire, le maître du Kremlin tente de reprendre la main en durcissant le conflit contre l'Ukraine et ses alliés occidentaux. Alors, les naissances, il y a eu à Remiremont un certain nombre de naissances, une bonne dizaine. Alors, sur ces 10-là, eh bien, normalement, il y aura 10% de chômeurs. Ah oui. Actuellement, il y a 64 millions d'habitants en France et il y a un peu plus de 6 millions de chômeurs. Alors, vous voyez, 10%. 10% de la population totale, c'est-à-dire la population totale, ça va depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne âgée qui est sur le point de décéder. Hein, c'est-à-dire que là-dedans il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas encore l'âge de travailler et il y a un certain nombre de retraités qui ne travaillent plus. Donc 10% de chômeurs sur la population active, ça fait plus que ça. Ça fait peut-être 20% de chômeurs qui devraient travailler et qui n'ont pas de travail. Alors moi je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas, on devrait créer un jury national qui juge tous les mois un député, enfin, qui juge tous les mois l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, l'ensemble des journalistes, et qui décerne un prix à l'un d'entre eux dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'un journaliste tous les mois, eh bien, serait jugé et condamné à 5 ans de RSA. Hein? 5 ans de RSA. Ah oui? Ah ben c'est le prix. Ah oui, il faut leur faire payer ces gens-là. Ils ont des responsabilités. Eh ben voilà. Alors donc ça pour le député, la même chose pour un sénateur et la même chose pour un journaliste. Et les gens qui risqueraient de se retrouver au RSA pendant 5 ans, eh bien je vous assure que tout d'un coup ils deviendraient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus utiles à la République française. La République française que certains ont défendue, notamment entre 1940 et 1945, hein, en mettant leur vie en jeu. Eh oui, il y a eu des résistants. Mais pendant cette période-là, il n'y a pas eu que des résistants. Il y a eu aussi des collabos. Oui. Actuellement, et aussi, il y a des résistants et des collabos. Voilà. Transport routier, comment moins polluer d'ici 2030, point d'interrogation. Qatar 2022, deux mois avant le début de la Coupe du Monde de football, le Qatar se retrouve sous le feu des critiques. Droits humains et des travailleurs, écologie, conditions de jeu, les appels au boycott tardif se multiplient, mais sans effet à ce stade sur les futurs compétiteurs. Oh, compétents et compétiteurs, oh, c'est la même chose normalement. Compétiteurs, compétents, ah oui, ça devrait être la même chose. Alors, démarchage téléphonique, la loi Naegelen répond-elle aux attentes 2 ans après? Est-ce qu'elle répond? Ah, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Enrico Letta, Meloni, c'est Le Pen. Et moi, je dirais même pire. Enrico Letta, leader du Parti démocrate italien, mène la coalition de centre-gauche pour les élections législatives italiennes prévues ce dimanche face à Giorgia Meloni pour le centre-droit. Il a accordé cet entretien en exclusivité à notre journal. Alors, il a l'air de dire, et moi je le pense, que Meloni, eh bien c'est la même chose, un peu de choses près, que, eh oui, que, hein, comment il s'appelait déjà, l'Italien, la fasciste, hein, oh je me souviens plus de son nom, ça reviendra, hein, oui, Mussolini, Benito Mussolini, ouais. Ensuite, donc, si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique, et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Et qui a écrit ça? Eh bien, c'est le Dalai Lama. Ensuite, François Ruffin. Bonjour, on est le 22 septembre 2022 et à partir d'aujourd'hui, les salariés du CAC 40 travaillent exclusivement pour gonfler les dividendes des actionnaires. Les salariés du CAC 40 travaillent exclusivement pour gonfler les dividendes des actionnaires. Un tiers de l'année sacrifié pour ses assistés. Assistés. Et oui, les vrais assistés, ce sont les actionnaires. Oui, on travaille pour eux. On travaille pour eux. Le Val d'Ajol, fermeture du collège, les parents d'élèves lancent une deuxième pétition. Ouais, je leur souhaite beaucoup de patience, ou au contraire, beaucoup d'impatience. Parce que pour obtenir des résultats, il faut être très impatient. Et très nombreux à être très impatients. Sinon, on n'obtient pas de résultats. Hein. Eh ben non. Alors, l'armée écrit une nouvelle fois à Macron. Le prix de la liberté, lettre ouverte à Monsieur Macron. Non, je ne veux pas payer ce que vous appelez à tort le prix de la liberté, et qui n'est que le prix de vos fautes, de votre aveuglement, de votre ambition. Monsieur Macron, vous avez décidé que nous devions payer le prix de la liberté. S'il est incontestable que la liberté a un prix, encore faut-il analyser où et par qui la liberté est menacée. Qui sont les responsables des atteintes à cette liberté? Qui en sont les défenseurs? Et finalement, quel en est le prix et qui doit payer? La liberté de la France est-elle menacée? Point d'interrogation. Celle de l'Allemagne? Point d'interrogation. De la Belgique? De l'Italie? De la Grande-Bretagne, de l'Espagne. La réponse est évidemment non. Voilà. Vos fautes. Oui, votre responsabilité engagée dans cette crise et votre faute est énorme. En 2014, à l'initiative du président François Hollande, de la chancelière Angela Merkel, du président Poutine, et du président ukrainien Poroshenko, mais surtout à l'absence des USA, sont signés les accords de Minsk 2 suite à l'échec des accords de Minsk 1. Ces accords resteront dans l'histoire sous l'appellation Format Normandie. Ces accords stipulaient principalement un arrêt des combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes russophones de l'Est ukrainien, majoritaires dans le Donbass. Un échange des prisonniers, le retrait des armes lourdes, l'ouverture d'un processus de large autonomie des zones russophones via une réforme constitutionnelle ukrainienne. Voilà. Comme ça, il y en a deux pages. Je vous lirai la suite une autre fois. Hein, ouais. Et ce monsieur qui écrit là, c'était un ancien chef des services de renseignement intérieur français. Donc, il connaît bien la question. Hein. Voilà. Le professeur Andreas Pfeiffer écope d'un mois d'exclusion temporaire. Voilà, oui. Andreas Pfeiffer, professeur d'allemand au lycée Claude Gelée à Épinal, aux côtés de son avocate, maître Nancy Rizacher. Alors, de quoi est-il question? Eh bien, pris dans la tourmente depuis un an pour ses positions prises pendant la crise sanitaire et devant ses élèves, Andreas Pfeiffer, professeur d'allemand au lycée Claude Gelée à Épinal, connaît désormais sa sanction. Il écope de 3 mois d'exclusion temporaire, dont 2 avec sursis, avec effet immédiat et sans salaire. Une décision qu'il estime clémente. Oui. Oui. Oh, bah oui, bah, c'est ça. Ouais. Nos gouvernants ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'hôpital fonctionne bien, que les services de la santé fonctionnent bien. Bravo, les politiciens, bravo. Ah oui, ben moi j'estime que oui, le 5 ans au RSA pour un certain nombre de politiciens ou de journalistes, ça ferait changer les choses très bien et très rapidement.